Ça s'appelle comment la chanson celle-là? C'est de la vita. Can't stop. Stop. Je ne peux pas m'arrêter. Sono umane situazioni. J'en ai un album de Ramazzotti. J'aime bien. Sono umane situazioni. C'est dur l'italien. Sono cose della vita. Sono cose della vita. Vanno prese e por così. Je suis nul en anglais. Giacomo Verdi. Si, ça s'appelle Cose della Vita. 1993. Avec Tina Turner. Hein. Il n'avait pas pris n'importe qui. Hein. Can't stop thinking of you. Oh, just can't stop thinking about you. Putain, c'est déjà 6h30. Cose della vita.